si bien longtemps, moi marcher en l'ennui. Des émois t'es fait mille, par tes pères, ouais, mais ouais. J'avais ton fait qui fané. C'est bon Dieu qui fait si moi qu'à respirer la nouveau. Ouvrez les bras pour l'amour, ouvrez Dieu pour l'amour, ouvrez ciel et puis gardez.